Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau mag sur Radioactive. Aujourd'hui, on part du côté de l'île d'Or à Amboise, qui va se transformer le samedi 20 septembre, notez bien, en véritable terrain de jeu pour petits et grands. C'est la 5e édition du festival L'île aux Jeux, organisé par l'association C'est pas du jeu. Ce sera de 10h à 18h. L'île va donc accueillir un grand nombre d'activités ludiques, des grands jeux en bois, des jeux de rôle, des tournois, et même une déambulation de la Reine des Neiges. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Et pour nous en parler, c'est Hugues Duhal-Truet qui est responsable de l'organisation, trésorier de l'association C'est pas du jeu, qui est avec nous. Bonjour Hugues Duhal. Bonjour et merci pour l'invitation. Et bien avec grand plaisir, on a hâte de tout savoir de cet événement qui en est à sa 5e édition, donc L'île aux Jeux. Est-ce que tu peux nous rappeler comment est née cette aventure ? L'île aux Jeux, ouais, alors c'est 5e édition, il y a eu une petite pause au moment du Covid. Mm-hmm. En fait nous, l'association, elle faisait des soirées jeux... Intramuraux un petit peu ? Un petit peu, on allait à l'époque au Bastring, donc aujourd'hui ouais. C'est Artisanale, mm-hmm. On faisait des soirées jeux un petit peu à thème, toutes les semaines il y avait une soirée jeux. Ou toutes les deux semaines, bref, de façon très régulière, on faisait des interventions, et on s'est dit qu'on allait un petit peu augmenter les activités, et puis un peu avoir la consécration de tout ça, c'était monter un festival de jeux. Ouais, un temps fort. Quoi. Un temps fort sur l'année, tout à fait. Et donc à l'époque, on était une petite équipe assez active, et du coup, on a fait naître le festival L'île aux Jeux, c'était en 2017, je crois, mm-hmm. un truc comme ça. Et voilà, donc c'était une chouette expérience, de débutants, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup, on a réitéré le festival, on a réitéré un peu tous les ans, quoi. Et alors cette année, vous parlez d'un festival pour petits et grands. Alors justement, ça s'adresse à qui véritablement cet événement ? Est-ce que c'est les familles, des joueurs avertis simplement, ou pour des simples curieux aussi ? L'idée, c'était de faire un festival accessible, donc plutôt familial. Mm-hmm. Après, les joueurs ou joueuses experts qui connaissent déjà bien les jeux, ils pourront aussi y trouver leur bonheur. Mais voilà, l'idée c'est que ce soit plutôt familial, donc il y a un espace pour les tout petits qui est géré par le relais petite enfance de la Comcom. De la Comcom. Mm-hmm. On a un grand stand de jeux de société pour les plus petits, pour les plus grands, plutôt famille, jeux un peu initiés experts et un peu pour tous les âges surtout, donc à partir de 3-4 ans jusqu'à pas d'âge quoi. Et aussi accessible parce que l'entrée est payante mais c'est prix libre. On a toujours voulu mettre ça en place. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 10 euros sur une entrée d'un festival, enfin 10 euros même par personne, même 1 euro, ça peut suffire. Alors après, le but, c'est qu'on puisse continuer à faire le festival, donc il faut qu'il y ait aussi un petit peu de sous qui rentrent. Mais, ouais, voilà. Le nerf de la guerre, faut-il le rappeler, tout de même. Alors justement, il va y avoir plein d'animations, tu l'as dit, des jeux en bois, un espace petite enfance, des jeux de rôle avec des associations locales, dont certaines que l'on connaît bien sur Radioactive. On salue le Cercle d'Ambac, notamment, qui seront parmi vous. Un tournoi de l'Orcana, un tournoi de puzzle. Comment vous arrivez à coordonner tout ça ? Vous êtes combien ? Alors c'est vrai qu'on est, surtout cette année, depuis 2-3 ans, 2 ans, là, on est assez nombreux à prendre les choses en main. Donc je remercie vraiment l'équipe qui prend le relais sur pas mal de choses. Et coordonner, après, c'est... On invite les assos à être assez autonomes. Donc au niveau de l'espace jeu de rôle, le Cercle d'Ambac et Advitam Rollistam, qui est une asso de chargée... qu'on connaît aussi. ...sont assez autonomes là-dessus. Et du coup, eux, ils ont... moi, je gère tout ce qui est matériel. Ils me font une demande de... Ou alors... En tout cas, je leur impose peut-être un petit peu aussi le matériel, donc un ou deux barnums, des tables, des chaises, et puis après, c'est eux qui dépatouillent avec tout ça. Oui, qui gèrent leur stand finalement, quoi. C'est ça. Mm-hmm. Et après, nous, effectivement, on prend pas mal de choses en charge. Après, on a l'habitude de faire de l'animation. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris l'habitude d'organiser un peu des événements, etc., de par mon ancien boulot, entre autres. Et voilà. Il y a un passé d'animateur, là. Ouais, toujours même. Ouais. Non, plus non, maintenant, je suis dans le commerce. J'ai un magasin de jeux à Amboise. Donc, toujours un peu dans l'animation. On peut citer, et dans le jeu. Ouais, l'interlude. Voilà, rue nationale. Ouais. Alors, il y aura aussi les Lames amboisiennes qui vont proposer du troll ball. Troll ball. Troll ball, ouais. Troll ball. Et donc, on retrouvera aussi le fameux jeu du loup-garou dans une grande tente. Comment vous avez fait pour justement choisir ces animations-là en particulier ? C'est un réseau peut-être de... C'est des jeux qu'on connaît. Le Troll Ball, on l'avait fait sur les premières années du festival. Moi, quand j'étais animateur, on faisait un peu de trollball avec les enfants. Et c'est trop bien. Ça fédère et puis ça défoule un peu. Donc, le but du trollball, c'est ces deux équipes qui ont des épées en mousse. Et le but, c'est de... Il y a une tête de troll ou un ballon. Enfin, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, à la base, c'est une tête de troll. Et le but, c'est d'amener la tête de troll dans le but adverse. Et pour ça, il ne faut pas se faire toucher avec les épées. Et on peut aussi toucher les autres avec les épées, pour le coup. Et donc les lames amboisiennes, bah, ça faisait un moment que je voulais, moi, qu'il y ait un petit peu de l'escrime médiévale ou des choses comme ça. Parce que ça rejoint un petit peu le monde du jeu, dans le sens où le jeu de rôle grandeur nature, on appelle ça, il y a un petit peu d'escrime, enfin en tout cas de la manipulation d'épée, des choses comme ça. Et voilà, donc les lames amboisiennes, c'est une asso qu'on connaît depuis un moment. Et je sais qu'ils tournent pas mal dans le coin, donc ils ont... C'était l'occasion. Ouais. On a encore plein de choses à dire autour de l'île aux jeux qui aura lieu le 20 septembre avec Tuc Duhal, le Truet, notre invité du jour qui est responsable de l'orga et trésorier de l'association. Mais on va marquer une petite pause en musique avec un titre qui te plaît particulièrement, c'est Totem. Tout à fait, de La Momalie avec M. Eh ben on y va et on se retrouve tout de suite après. Ouais. Un griot, naître dans une famille de griots, c'est déjà une école. Mais une école dans laquelle on ne va pas prendre un bic, un cahier pour écrire. Non, c'est l'école de la vie. À toi mon totem, je ne crois qu'en moi-même. Et pour tous mes problèmes, je compte sur toi mon totem. Je mène une vie de poème, j'ai même plus dire je t'aime. J'ai pas perdu mes repères, grâce à toi mon totem. C'est pas lié à ces dollars, pas d'héritage en dollars. Thème de La Momalie avec M, c'est le titre choisi par Tuc Duhal Truet, responsable de l'organisation de l'île aux jeux qui aura lieu le 20 septembre sur l'île d'Or. Tuc Duhal est également trésorier de l'association C'est pas du jeu. Et puis c'est aussi le tenancier de l'interlude, ne faisons pas l'économie de cette information, donc rue Nationale à Amboise. L'île aux jeux qui sera donc ouverte de 10h à 18h pour accueillir les grands et les petits autour de plein d'animations et notamment une nouveauté cette année qui risque de plaire aux enfants. De quoi s'agit-il ? Alors cette année, en lien un petit peu avec l'Orcana pour le coup, parce que c'est un jeu de cartes de l'univers Disney, la nouveauté cette année, c'est la déambulation de la Reine des Neiges. Donc soit c'est Anna, soit c'est Elsa, ça dépend, en tout cas peut-être qu'elles sont toutes les deux là. Et l'une d'entre elles fera aussi du maquillage. Donc on aura la chance d'avoir Elsa et Anna. Et c'est, alors pour les citer, c'est Doremi Event. Ok. Qu'on voit pas mal sur les événements à Amboise, avec sa collègue, c'est Elway Cosplay. Mm-hmm. Donc voilà. Et donc elles seront toutes les deux présentes sur le festival. La Reine des Neiges. Il ne manque plus qu'un poney et vous faites carton plein, je crois, pour cette édition. On va s'étendre encore un petit peu l'année prochaine, peut-être. On imagine que les visiteurs qui auront une petite faim, une petite soif, vous avez tout prévu ? Oui, tout à fait. Alors nous, l'association C'est Pas Du Jeu gère la restauration sucrée et boisson. Donc on fait des crêpes, des gaufres, il y a des boissons locales. La Louère, ça s'appelle, ça vient de Civray de Touraine. Mm-hmm. Donc cola de la Louère, limonade, le thé glacé. On a du jus de pomme qu'on a pris à la MAP de Saint-Ouen-les-Vignes. Et après, les bénévoles font des gâteaux qu'on vend aussi sur place. La bière, on la prend chez Artisanail. Mm-hmm. Et après, il y a deux food trucks, donc Katz, qui est un food truck plutôt cuisine du monde, qui potentiellement fait un petit peu de VG. Parfait. Et ensuite, le food truck chez Bubu, donc qui fait des burgers, je crois que principalement au poulet. Absolument, voilà. Je confirme. En tant qu'organisateur, Tugdual, qu'est-ce que tu aimes le plus voir quand cette manifestation elle se déroule ? C'est quoi ? C'est les enfants qui découvrent des jeux, les adultes qui se prennent au jeu aussi, du coup, ou les deux qu'est-ce qui te plaît plus, toi ? Que tout roule bien, déjà. déjà. le monde joyeux, le fait que vraiment les gens soient là pour s'amuser, pour même passer du temps et voilà, voir que ça intéresse, que... vraiment le côté un peu heureux du groupe. Et en vrai, je fais vraiment ça pour que les gens... faire plaisir un petit peu aux gens, quoi, qu'il y ait l'animation. Et l'animation, c'est un peu ça, c'est faire plaisir. Et du coup, je m'y retrouve un peu là-dedans, ouais. Et du coup, l'interlude, on va en parler quand même un petit peu, même si c'est pas logé effectivement de l'émission, mais on y retrouve toutes sortes de jeux, évidemment, dans ta boutique, mais ton puis, magasin. Donc la boutique, elle sera présente aussi sur le festival, donc les gens pourront tester les jeux. Je crois qu'on a à peu près 200 jeux qui seront sur le festival, au stand de jeux de société. On a essayé de prendre la plupart des jeux de société, on a essayé de les prendre à la boutique. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, la boutique qui sera présente aura ces mêmes jeux de société. C'est-à-dire que si on a vraiment adoré un jeu, on peut aussi l'acheter. On peut aller l'acheter ou le commander s'il n'est pas là. Et voilà, et du coup, nous, l'interlude, on a effectivement du jeu de société, on a du jouet, des puzzles. Donc, entre autres, pour le tournoi puzzle, on fait appel à nous. Et voilà. Et entre nous, il y a un coup de cœur dans cette programmation, toi, de ta part ? Évidemment, tous les intervenants, toutes les associations, toutes les personnes qui seront là ont évidemment un intérêt, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui brille plus dans tes yeux sur cette programmation ? Je sais pas trop. J'aime beaucoup l'association, on n'en a pas parlé, Les Gens qui Jouent. C'est une association de jeux de rôle grandeur nature. Mmh. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est hyper qualitatif. Enfin, ça en jette un peu. Mmh. Les Lames Amboisiennes, ils viennent avec des tentes médiévales. Ouais, ils font pas les choses à moitié, voilà. Généralement. Et du coup, ça, pareil, c'est assez chouette. J'espère que le Hitster géant, c'est un quiz musical, j'espère qu'il va bien prendre aussi, qu'il y aura du monde pour jouer le jeu. Parce que c'est un jeu qui est très cool et très marrant. C'est une petite nouveauté des bénévoles qui ont voulu mettre ça en place et c'est très chouette. Et puis le côté quiz musical, hein, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est quelque chose qui rassemble aussi toutes les générations. Ouais. Là, clairement, en plus, ça va de 1900... je crois 30, même un peu avant, jusqu'à 2022, quoi, 2023. Mm. Donc c'est rigolo d'entendre du Booba et du Edith Piaf l'un après l'autre. Est-ce que quand on est comme ça, à quelques jours d'une manifestation, donc évidemment, on a envie que tout se déroule bien, on a envie que le temps soit de la partie, on a envie que ce soit un plan sans accroc. Exactement, j'adore et ça. Non, sûrement des refs communes. Et est-ce que tu penses déjà aux éditions futures, d'ores et déjà ? Ouais, pas mal, ouais. Ouais. Et je suis pas tout seul à y penser parce que on voit bien les petits couacs d'organisation ou en tout cas des choses à faciliter pour les années d'après. Donc il y a des bénévoles qui sont taqués, qui notent des petites choses pour que ça s'améliore pour l'année prochaine, que ce soit plus facile aussi à mettre en place. Donc j'ai déjà plein d'idées. Moi, j'aimerais bien faire que ça dure le soir. Après, il faut du monde pour gérer le soir aussi. Mais voilà, avec des concerts et tout. Mais bon, ça, c'est une utopie, on verra plus tard. Non, c'est des belles perspectives, qui sait, peut-être dans les auditeurs, certains auront des idées et pourquoi pas, vous avez besoin d'un coup de main? Bah ouais. Ouais. On a toujours besoin de commun. C'est le moment, lance un appel. Ah bah en vrai, plus on est, mieux c'est. Et c'est une chouette expérience humaine. On fait plein de rencontres. Et voilà, c'est un vrai joli groupe qui se crée. Et là, on s'est vu pendant presque un an, presque une fois par semaine. Et voilà, après, on donne le temps qu'on a, on donne le temps qu'on veut. Et, et c'est cool, ouais. Très bien. Et ben voilà pour ce tour d'horizon du festival L'Île aux Jeux qui revient donc pour sa 5e édition ce samedi 20 septembre sur l'île d'Or à Amboise de 10h à 18h avec, on l'a dit, des grands jeux en bois, des jeux de rôle, du troll ball, du loup-garou et la reine des neiges qui sera là quand même à noter, à ne pas rater en déambulation. Et donc il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Merci beaucoup Tuc Dual Truet d'avoir partagé avec nous l'esprit de ce festival ludique. Merci. Et il y a un tournoi de puzzle, donc il reste de la place, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Ok, on fait comment? Bah, faut envoyer un mail ou alors même sur place, vous pourrez vous inscrire. Mais voilà, par équipe de deux, on va peut-être ouvrir aussi aux personnes qui veulent le faire seules. Mais le principe, c'est par équipe de deux, on a tous le même puzzle à faire, 500 pièces. Waouh. Et voilà, la première équipe qui arrive, il remporte un bon d'achat de 50 euros. Ouais. Toutes les équipes repartent avec le puzzle aussi qu'ils ont fait. Et puis voilà, donc il reste de la place, n'hésitez pas. Eh ben, super idée. En tout cas, rendez-vous ce week-end à Amboise pour jouer tous ensemble sur l'île aux jeux. Merci encore, Tuc Dual. Merci à vous. C'est la fin de ce mag, on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.